El jefe, mon arme, mon stylo, 3, 4, 7, 7, 7, 7. Dans le bordel, sur une table, je m'installe. Aujourd'hui, j'ai plus de cohésion, je deviens plus normal. Fini l'histoire inventée pour ne pas utiliser mon stylo. Parce que je croyais que ma colère s'exprime que par mes crocs. Que faire le fou, au lieu de réfléchir, était la seule voie. Être comme ça, ça ne vaut vraiment rien depuis que je ris ma voix haute. Je sais que certains termes peuvent vexer très fort et rendre les gens hostiles à ma présence dans le décor. Alors j'ai vite évolué pour qu'on sache que je suis quelqu'un. Que les choses de la vie m'intéressent aussi, donc je tiens à écrire pour qu'on me remarque parmi les inconnus. À ceux qui tentent de voir plus loin, d'offrir des textes crus. Qui restent fidèles à ma vie, à mes aspirations prochaines. Pour que je sache où mettre les pieds, moi celui qui s'en fout. Celui qui veut voir par ses yeux, tout avoir même plus de sous. C'était ça ma vision de là, de toutes sortes de considérations. Même en manque de feuilles, je laisse des freestyles sous pression. Pour montrer que je suis toujours actif si on doute de moi. Car plus de rappeurs, je suis un artisan des lettres de joie. Ces termes de rap qui font bouger plus d'un par mois. Pour m'exprimer à travers le temps, j'ai mon stylo. Je marque tout ce qui se passe par ma tête. Pour exprimer à travers le temps, j'ai mon stylo. C'est la force de mon tempérament. Je reflète. Il est indispensable que je maîtrise mon stylo car c'est une arme. Afin de ne pas perdre du temps, je reste précis en mes termes. Ce qui m'intéresse, c'est dire à mes frères qu'il faut y croire. Leur dire qu'il reste plus que ses problèmes. Donc il faut voir que rester immobile n'est pas possible si on veut mieux survivre. Que pleurer n'aide pas grand monde si on veut survivre. Il faut travailler pour bâtir sa maison et hisser son drapeau. Symbole qu'on n'a plus que pris conscience de notre flow. Que l'on peut faire comme nos stars du tube derrière le chromie. Pour dire que l'on voit aussi bien par ses deux yeux, par nos écrits. On perd directement des mots qui nous rangent sans cesse. Car nous sommes dans un même sac, celui qui nous blesse. Face aux transformations qu'on maîtrise pas, on s'affaiblit. Comme nos comptes qui se vident petit à petit. Parce qu'on ne peut être capable de bien construire sa vie. Vu les choses sont pas faciles, on se perd très vite. On peut pas sortir si personne nous félicite. Des rimeurs comme moi montrent une voix aux autres. Ceux qui me connaîtront par ces phrases qui portent le courage dans la symphonie montrant comment s'en sortir. Pour ceux qui cherchent du blé, cherchent la joie dans l'avenir. Sortir de la manque d'argent, ce qui fait très mal. De toutes ces difficultés qui profilent mes rimes s'emballent. Pour m'exprimer à travers le temps, j'ai mon stylo. Je marque tout ce qui se passe dans la tête pour exprimer, j'ai mon stylo. C'est la force de mon tempérament que je reflète. Elle refait 3, 4. Mon arme, mon stylo. Ça fait mal. Quand patate, patate, balle.